Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. On commence cet épisode de copie non conforme par un titre de Bad Company intitulé Rock and Roll Fantasy, repris en 2025 par les Anglais de The Struts. It's so far on my rock and roll dream. copie non conforme. I'm Deranged est un titre de David Bowie qui figure sur l'album Outside de 1995. La cover est interprétée par les Montpelliérains de Deléo en 2025. Cruise me, babe. Upon the leaf beyond, beyond, beyond, lonely dawn, no return. So cruise me baby on, and the rain sets in, it's the angel man, auntie Rays. Cruise me, cruise me, cruise me baby. This one's for you. Non conforme. La chanson Respect a été un très gros succès en 1967, interprétée par Aretha Franklin. La version originale était de Otis Redding en 1965. copie non conforme. Queens of the Stone Age ont repris White Wedding de Billy Idol en 2007. La version originale, quant à elle, est parue en 1982. It's a nice day for a white wedding.

dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !